viens maintenant. J'aime les phares, tout ce que je voyais. Voyager sans bouger aucun pied, une vie me manque seule. Mais je pense m'en passer. J'aime vivre tout plein de sensations, oui. Rire toute la nuit sans se soucier du réveil, une vie me manque seule. Mais c'était du passé. Abandonner. Et qu'est-ce que me prend d'espérer? Une vie me manque seule. Mais c'est pas si dur d'oublier. Et ça a toujours été comme ça.